Chapitre 3. Le mystère s'éclaircit et se complique. L'affaire du cul de Jacques m'intriguait au plus haut point. Quel était donc ce cadavre qui, bien que n'étant pas anonyme, loin de là, puisqu'il tombait dans l'excès contraire, restait plongé dans les ténèbres du mystère le plus absolu? Voilà donc un homme qui avait déjà 5 noms connus et dont on ne parvenait pas à établir l'identité. Je passais boulevard Saint-Michel. J'en profitais pour aller voir Lautrec, bien que l'heure fût très matinale. « Eh bien, fis-je dès le seuil, du nouveau, mon cher ?»« Oui. Vous avez identifié le cadavre ?»« Pas encore. J'ignore son nom exact, mais je possède sur lui des renseignements précieux. Il n'exerçait pas seulement le lucratif métier de mendiant que nous lui connaissons. » Il avait, comme vous le savez, épousé plusieurs femmes et en avait fait des esclaves. Il recueillait le fruit de leur travail et il ne leur laissait que le strict nécessaire pour vivre. On l'appelait l'antidérapant. D'où vient ce surnom? C'est bien simple. Son chariot était pourvu d'un dispositif spécial qui l'empêchait de glisser aux endroits où la déclivité des rues est trop accentuée. Au surplus, il se faisait fort de ne pas déraper sous les mailles de la police. À ce moment, on sonna à la porte de mon ami. Le groom alla ouvrir et vint dire que M. Bellet, accompagné d'une dame, attendait dans l'antichambre. « Faites entrer, » dit Lautrec. Bellet, c'était cet inspecteur de la police judiciaire qui, en maintes circonstances, avais-je dit, avait prêté son concours au détective. La femme, c'était Madame Sheila, une des 5 épouses du cadavre. « Du nouveau ?» demanda mon ami au policier. Celui-ci répondit, en ouvrant de grands yeux, « Et du fameux, le mystère se complique. Madame Sheila a revu son mari vivant. » Il y eut un moment de stupeur. « Je vous amène Madame Sheila, » reprit Bellet, « pour qu'elle vous fasse elle-même le récit de ce qu'elle a vu. » Madame Sheila parla. Je croyais mon mari mort, j'en étais fort peinée. Cependant, il faut vivre, et je faisais des emplettes hier soir, lorsqu'en traversant le boulevard des Italiens, j'aperçois soudain mon mari, près d'une porte, tendant sa sébile. J'allais à lui. « Comment, toi ici, toi vivant » m'écriai-je. C'était le cri du cœur, monsieur. Mon mari me regarde en souriant malicieusement. J'étais abasourdi. « Moi, mort, s'écrie-t-il, et pourquoi ? Et ton cadavre qui est à l'Institut médico-légal ? Et je parle, je lui raconte que je suis allé le reconnaître. » Tout à coup, mon mari se frappe le front. « Pardi, s'écrie-t-il, c'est vrai, j'avais oublié que j'étais mort. » Et brusquement, il se lève, repousse du pied son chariot et, sans mot dire, il prend ses jambes à son cou. Lautrec ne put s'empêcher de rire. « Pour un cul de jatte, c'est le comble, dit-il. Et ce fait démontre que, si le gaillard avait recouvré l'usage de ses jambes, il avait du même coup perdu la tête. » Mais, continua-t-il en s'adressant à Madame Sheila, « êtes-vous bien certaine d'avoir reconnu votre mari ? Le chagrin excuserait une méprise fort compréhensible. Je l'ai reconnu, là, comme j'ai reconnu son cadavre à l'Institut médico-légal. » Mon ami sourit. « Il faudrait pourtant, pour que vous eussiez pu le voir, vivant, boulevard des Italiens, qu'il ne fût plus étendu, mort, sur la dalle de la morgue. » À ce moment, la sonnerie du téléphone retentit et nous entendîmes Lautrec dire « Allô ?»« Oui, c'est moi, Lautrec. Je vous écoute. » Soudain, nous vîmes le détective bondir sur son siège. « Pas possible, s'écria-t-il. C'est incroyable. Et c'est ce matin que vous avez constaté le fait ?» J'accours. Il avait raccroché l'écouteur. Il se tourna vers nous. « Il y a des coïncidences vraiment étranges dans cette affaire, » nous dit-il. « Savez-vous ce qu'on m'apprend ?» Nous le regardâmes, étonnés. « Eh bien, » dit-il, en scandant chacun de ces mots, « on m'apprend qu'il y a quelques minutes, on a constaté que le cadavre du cul de jatte avait mystérieusement disparu. » « Il y a un fait dont je suis certain, » dit Lautrec, quand nos visiteurs nous eurent quittés, c'est que Madame Schellard aura été abusée par une étrange ressemblance. Mais, objectai-je, s'il y avait deux antidérapants. Non, dit mon ami, je suis également certain qu'il n'y a qu'un antidérapant. Je sursautai en entendant une telle affirmation. Je savais que Lautrec n'affirmait qu'à bon escient et qu'il n'étayait ses dires que sur des certitudes. Mais, insinuai-je très perplexe, c'est presque impossible. Il était aussi impossible que Madame Schellard reconnût son mari à l'Institut médico-légal qu'au boulevard des Italiens. Il est un fait qui ne laisse aucun doute et qui doit servir de base à toutes les investigations, c'est que l'homme mystérieux que nous avons vu était bien mort. Mais où est-il ? Voilà ce qu'il faut savoir avant tout.